Mardi 17 décembre, bienvenue à cette dernière édition de l'Aérospatiale pour l'an 2013. Julie Gagné avec vous pour parler art visuel. Aujourd'hui à l'émission, je vous ferai un petit calendrier des activités qu'il y aura dans le temps des fêtes, parce que même si le milieu des arts visuels prend un repos bien mérité, il y a quand même quelques petites choses par-ci, par-là, dont des activités en famille, ma foi, fort plaisantes à faire. Également, on rencontrera Pierre Bouchard et quelques-uns des artistes qui exposent à Sauvage, cette exposition qui est présenté juste dans l'ancien édifice du YMCA à Place Diouville, donc sur la rue des Glacis, dans le même espace qui avait accueilli le ravissement du désordre cet automne. Également, Ilana Pichon et Marie-André Gilbert viendront nous parler du projet J'aime mon facteur, un projet d'art postal qui avait été créé par Engram. C'est la deuxième édition cette année. Les copies sont disponibles justement en consultation à Engram. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et pour la dernière fois cette année, Simon Roy nous a fait une sélection audio. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu nous as choisi quelque chose de vraiment spécial pour la dernière? Oui, ben je ne pouvais pas embarquer dans la game de musique de Noël. J'étais absolument incapable. Ah, c'est ouais? Un album vraiment mystérieux. C'est le cas de le dire. C'est un album donc qui est publié sur l'étiquette polonaise Under Pollen. Puis le propriétaire de l'étiquette a reçu l'album à sa porte. Donc on n'a absolument aucune idée de c'est qui cet artiste-là. Ah ouais? Il s'appelle Don't Look at Me, I Am Deformed. Donc c'est ça. Le propriétaire de l'étiquette décrit ça comme si c'était un enfant de 12 ans avec un trouble de déficit d'attention de vraiment sévère qui remixerait des pièces des années 90 avec la technologie des années 80. OK. Donc, ça nous donne des pièces un peu familières. Il y a un truc pop qu'on reconnaît, mais qu'on reconnaît pas en même temps. C'est ça. Chaque pièce sont vraiment courtes. J'ai mis les quatre pièces les plus longues, je crois, qui durent à environ peut-être 2 minutes. Puis les pièces les plus courtes, c'est même pas 1 minute. Donc, ah ouais. Ça, c'est un album vraiment drôle. Moi, j'ai vraiment trouvé ça incroyable comme album. Peux-tu le nommer, Simon, l'album? Parce que je suis curieuse de voir comment tu le nommes. C'est Don't Look at Me, I Am the... Excuse-moi, c'est We Are D-L-A-M-I-A-D and You Can't. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non, ça veut absolument rien dire. OK. C'est ça le pire. C'est comme le... Ça va très bien avec l'artiste. C'est un titre, même à la syntaxe en anglais, qui veut absolument rien dire. Ouais, c'est ça. Ça fait décousu, justement, peut-être le lien avec le déficit d'attention dont le distributeur parlait. C'est ça. Fait qu'on va se quitter avec un petit brin de folie pour cette semaine. Voilà. Ben Simon, merci beaucoup. Toi, est-ce que tu continues web musique durant le temps des fêtes? Oui, ça arrête pas. Je suis pas du tout affecté par le... Par l'esprit de Noël. Par Noël, les jours de l'an. Voilà, donc web musique les dimanches à 20h. En attendant d'écouter ça, on écoute un extrait de la pièce Sexy Owl. We'll be right back. Voilà, sur cette pièce, ma foi, fort entraînante, on revient à l'aérospatiale. J'accueille Raymond Poirier. Bonsoir. Bonsoir. Raymond, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, notamment, la Ville de Québec a donné au début du mois de décembre son feu vert à deux nouvelles œuvres d'art publiques. C'est le duo Cook-Sasseville qui va proposer sur les relectures du Penseur de Rodin et du Discobol. Tout ça à Beauport. Alors, on parle d'un budget d'à peu près 35 000 $ qui va être donné pour cette sculpture qui s'appelle De l'eau sur le feu. Ça va être à la place Saint-Thomas de Villeneuve à Beauport. Donc, on pense peut-être, enfin, on fait le pont avec l'autre interprétation du Penseur qu'ils ben avaient ouais, à faire, le évidemment. Penseur en chocolat. Exactement. Donc, il y a quand même une continuité là-dessus. Et là, on le met en dialogue avec, dans le fond, donc une relecture du Discobol. On parle de deux sculptures sur socle, l'une rouge, l'autre verte, qui vont être aménagées pour le complexe résidentiel pour personnes âgées de la Villa Beau Séjour. Ah ouais? Donc, premier c'est intriguant. Projet. Intriguant. Le contexte est vraiment intriguant. Oui, effectivement. Et deuxième élément, ben, en fait, c'est du côté de Florent Cousineau. On parle d'un budget de 60 000 $ pour une œuvre qui s'appelle La Mêlée, qui va être intégrée à l'agrandissement du centre communautaire Le Bourgneuf. Alors, on parle, en fait, de tubes lumineux en acier inoxydable qui vont être installés sur la façade sud. Une œuvre qui évoque le jeu, le mouvement, la force, le dynamisme. Un foisonnement de formes fixes, fines, élancées qui rappellent des javelots. Alors, ben voilà. Donc, pour ces deux œuvres-là. Bon, j'ai bien hâte de les voir. Moi aussi. Toujours curieux. Sinon, autre nouvelle, eh ben, la Manif d'art a annoncé qu'elle retournerait à l'espace 400e pour sa prochaine édition. Donc, une belle nouvelle, dans la mesure où le lieu quand même était mieux adapté que d'autres qu'on avait vus au fil des dernières années. Notamment Place Québec, qui n'avait pas fonctionné. Alors, donc, ce sera l'espace 400e qui sera l'hôte de cette exposition. On parle donc quand même de 30 lieux intérieurs et extérieurs qui seront investis au fil de la manif du 3 mai au 1er juin. Je vous rappelle le thème défini par la commissaire Vicky Chenet Gagnon. Donc, on parle de résistance et puis nous avons construit de nouvelles formes. Alors, ce sera la fonction politique de l'art visuel, du cinéma, de la vidéo, de la performance qui sera examinée. Et par ailleurs, en fait, les étudiants de l'Université Laval auront l'occasion aussi de l'examiner disons, au fil de la prochaine session, puisque, en lien avec la Manif d'art, l'École des arts visuels va recevoir un professeur invité en personne d'Alain Martin Richard, qui va aller avec des étudiants, avec un groupe d'étudiants, dans les murs de l'École des arts visuels, présenter un cours intitulé « De la manœuvre comme événement ou quelle est l'inverse d'une chaise », un cours qui devrait jeter les prémices d'un projet qui serait présenté, donc, lors de la 7e édition de la Manif d'art. Alors, on verra évidemment qu'est-ce que ça donnera, tout ça. Mais C'est prometteur. Mais moi, j'aime bien l'idée, en fait, d'avoir des liens comme ça entre différentes communautés de pratique, entre études et présentations, etc. Donc, c'est intéressant. Ben, ça permet aussi que les étudiants en art visuel soient impliqués et non comme dans une marge à part, donc qui évoluent dans un autre milieu. Là, ça fait un beau lien. Exactement. Et sinon, ben, on parle de reconnaissance, puisqu'on est à la fin de l'année, alors c'est la saison des reconnaissances. On avait parlé des nominations il y a quelques semaines, les prix Louis Comtois et Pierre Ayot 2013 qui ont été remis. Alors, ils ont été remis respectivement aux artistes Manon Labrec et Kim Waldron. Ça a été remis du côté de Montréal par l'Association des galeries d'art contemporain. Alors, ben, qu'est-ce qu'on parle, donc, pour justifier, pour expliquer ses choix? Ben, Manon Labrec, on a choisi de souligner son inventivité, sa contribution aux arts visuels et médiatiques depuis une vingtaine d'années. Pour ce qui est de l'autre prix remis à Kim Walden, ben, on vise à récompenser la profondeur de sa réflexion sur les comportements humains, le statut de l'artiste et la représentation de l'artiste au travail. Félicitations à elle. Et autre prix également, du côté du CALC, tiens, céramiste et muraliste Gilbert Poisson qui reçoit la première bourse de carrière du CALC en métier d'art. Donc, ça marque quand même une première. Ce n'est pas un programme qui était offert jusqu'à récemment. Alors, il recevra une bourse de 60 000 $ pour son projet de publication d'une monographie qui retracera trois périodes marquantes de son parcours artistique. Alors, donc, ça a été remis par le président du CALC, Stéphane Laroche. Il est exposé il n'y a pas si longtemps, lui, à Matériel. Il y a peut-être 2-3 ans maximum. Mm-hmm. Et en terminant, ben peut-être auras-tu l'occasion, Julie Gagné, de remporter un Picasso, pourquoi pas? Ce que tu as à faire, c'est d'investir 150 $ et plutôt que faire un tirage d'une maison, eh ben la maison Sotheby's de Paris a décidé de faire tirer une œuvre de Pablo Picasso évaluée à 1 million $. Alors, ils ont vendu 50 000 billets. En fait, le tirage va avoir lieu incidemment demain, donc peut-être qu'il reste des billets. Ouais, faut toujours aller vérifier. Donc, c'est 100 € le billet. L'œuvre qu'on donne, c'est réalisée en 1914, intitulée L'homme au gibus, qui a été créé pendant la période cubiste du maître espagnol. Tout ça, c'est pour, dans le fond, une œuvre charitable, en fait, à financer la protection d'une villa libanaise classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Et c'est en accord avec les héritiers du peintre. Alors, ben voilà, donc, un Picasso pour peut-être 100 euros. Pour un heureux gagnant. Avoir su, sérieusement, là, quand même, c'est intéressant comme, comme initiative. Oui. Et si ça marche bien, peut-être qu'ils réitéreront l'expérience. Ben oui, qui sait, on se tiendra au courant, on mettra ça dans notre pile de dossiers là, à surveiller d'un peu plus près. Qui sait qui veut participer au concours. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Vendredi, tu as une dernière de la vie en BD? Oui, de 17h30 à 18h30, comme à l'habitude. Voilà. Donc, on s'en va en pause audio, on écoute Hard Heart sur les ondes de CKRL. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale et je vous invite, en fait, j'ai envie de parler d'une initiative qui m'a paru fort intéressante. Et c'est J'aime mon facteur, un projet d'art postal qui a été mis de l'avant par Engram. Cette année, c'était la deuxième édition qui rassemblait des œuvres de Gilles Tran, Nathalie Giguère, Marie-André Gilbert, bonjour. Bonjour. Ilana Pichon, allô? Bonjour. Dont le commissariat a été effectué par Stéphanie Matt. Les filles, on vous a invité, je crois, à faire des sacs à surprise qui étaient destinés à être envoyés par la poste et vus, bien entendu, par les intervenants de Poste Canada. C'était ça la consigne? Oui, exactement. Sans plus. Donc, vous faites des sacs à surprise et voilà, on vous donne toute forme de liberté. Oui, c'était question d'égayer la vie des facteurs et de tous les employés de Poste Canada qui tombaient sur nos sacs à surprise. Et comment on crée dans un contexte comme celui-là où, justement, bon, on s'adresse à des gens spécifiquement, mais on n'aura pas nécessairement de rétroaction? Est-ce que ça colore, ça influence votre manière de créer? Ben, je pense qu'en fait, à la base, moi, je suis quelqu'un qui correspond beaucoup par la poste. Ouais. D'ailleurs, très attristé par la décision de Poste Canada, hein. Soit dit en passant, mais et puis en fait, j'égaye énormément. Je pense qu'en fait, l'enveloppe a à la base autant d'intérêt que le contenant. Et puis pour moi, ça a été quelque chose de tout naturel, en fait, de faire une enveloppe qui soit colorée puis qui est un art qui est pas nécessairement communicatif, mais ça peut être juste dans la couleur, dans les formes, en fait. Puis on avait un autocollant de J'aime mon facteur, en fait, un grand autocollant strié puis assez visible qu'on très, devait coller. Très couleur en fait. De la poste, là, bleu, bleu et rouge. Exactement, qu'on devait mettre par-dessus. Le colis que nous, on a fait, en fait, j'ai collaboré avec Mathieu Pépon et Lapierre, qui est mon amoureux, et on travaille ensemble dans un univers un petit peu plus coloré. Ça ressemble toujours à mon travail, à moi aussi, mais il y a une petite touche un petit peu plus... magique, on va dire. Ouais, fantaisiste aussi, voilà, peut-être. Exactement. Et puis, en fait, on a fait un paquet qui était quand même assez dodu, on va dire, là. Fait que déjà, dans la forme, je pense qu'il y avait une interpellation aussi, en plus des couleurs. De ton côté, Marie-André Gilbert? Moi, j'y suis allée plus simplement. Si on compare avec Ilana, j'avais un paquet qui était assez mince. Ouais. Mais, tu sais, j'ai vraiment décoré l'enveloppe, quand même dans les couleurs de la poste, là, pour respecter ça. J'ai étampé des lettres, tu sais, pour aller un peu avec le thème d'engramme, qui est l'estampe. Puis, donc, quand je suis allée porter mon enveloppe au bureau de poste pour le poster, la postière a été vraiment, ou la commis de poste a été vraiment comme, oh, du bricolage. Elle était comme déçue, elle m'a fait des gros yeux. J'ai pas trop compris. Ah ouais? C'était comme, bon, une autre affaire bizarre. Ah ouais, je mets ça dans quel paquet, là? Ah ouais, c'est un peu compliqué pour sa gestion personnelle de la situation. De ton côté, Ilana, est-ce que tu as eu une réaction? Oui, ben en fait, le jeune homme qui était à la poste était vraiment très heureux de voir de la couleur. Était vraiment. Puis d'ailleurs, c'est vraiment les réactions que j'ai à chaque fois. Moi, j'ai jamais eu une réaction comme Marie a pu faire face. Faut tomber sur la commis qui est pas intéressée du tout. Ça doit arriver, en tout cas, la preuve est que... Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Les gens sont tout le temps très surpris et très émerveillés de voir la patience qu'on peut y mettre. Et puis, le fait que, justement, on opte pour quelque chose d'autre que juste blanc et une facture. Ben, pour quelque chose de vraiment fait main aussi, là, parce que moi, j'ai regardé les quatre propositions et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ressorti, là, tu sais. Marie-André, tu parlais de bricolage, justement, là. Il y a toute cette attention aux détails qui est vraiment présente dans toutes les propositions. Oui, ben, c'est des choses qu'on aime faire, je pense. Puis les participantes au projet, je pense, sont toutes des personnes qui ont fait de l'art postal aussi dans leur vie. Donc, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre personnalité. Fais-vous peut-être, justement, on parle d'art postal, juste de nous dire un peu plus, c'est quoi? Hein? Bon, Marie-André pointe Ilana. Ilana rit, elle se dit, bon, c'est moi qui vais être pognée à répondre à la question. Non, on s'est demandé, en fait, tantôt, à peu près dans quelles années ça a pu émerger, puis on n'a pas la réponse, malheureusement. Donc on n'a pas fait nos devoirs. J'ai regardé un peu, puis de ce que j'ai cru voir, c'est la jeunesse se situerait comme dans les années 10 avec le mouvement Dada, futurisme, etc. Mais je pense que ça a été vraiment là repris plus dans les années 60 avec Cobra, mais j'ai regardé vraiment rapidement, là, je pourrais pas dire plus. Mais si vous, je vous demande, c'est quoi votre définition de l'art postal? Ben moi, je pense que c'est un moyen de rejoindre les gens d'une façon autre que d'être dans un lieu d'exposition en partant. Pour moi, c'est quelque chose qui m'attire pour ça. Et puis, c'est un moyen de communiquer avec l'autre parce qu'on lui achemine quelque chose, mais en même temps, on intervient auprès d'autres personnes au travers sans avoir nécessairement... la possibilité de gérer cette notion de « j'interviens sur quelqu'un d'autre ». C'est comme une relation indirecte, finalement, puis en même avec temps, des c'est quand même assez intime, parce que on arrive à toucher l'autre sans savoir qu'est-ce que ça vient chercher en lui. Je ne sais pas, il y a quelque chose au niveau aussi de... On parle de bricolage, mais en même temps, moi, j'appelle pas ça du bricolage quand j'en fais. Ouais. C'est dans la nature des gens d'avoir cet esprit-là, mais je pense qu'il y a... Parce qu'on cherche un terme, en fait, habituellement, pour catégoriser, mais ça va plus loin. Puis en fait, ça peut être tant au niveau du dessin qu'au niveau d'une étampe ou d'un collage, mais généralement, il y a quelque chose d'assez naturel. C'est-à-dire que on le sait que l'œuvre, elle va voyager, fait qu'il y a, il y a cette option-là, mais c'est pas quelque chose qui vient tout le temps en tête. J'ai pas envie de faire quelque chose de beau pour montrer aux gens. Je fais quand même quelque chose, ça reste de l'art, point. Tu t'adresses à quelqu'un aussi, donc tu sais, ça a un impact sur le produit, mais sur le résultat là, de la création. Pour moi, c'est vraiment le plaisir de travailler avec le papier. Tu sais, on fait beaucoup de travail à l'ordinateur, des choses comme ça. Là, quand on fait de l'art postal, on retourne au papier, on peut découper, plier. C'est sûr qu'on fait du dessin ou des choses comme ça, Mais il y a le contenant, il y a le contenu. Ouais. Il y a quelque chose de très intime. En même temps, il y a quelque chose de très public sur l'enveloppe. Fait que moi, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup. Puis, Vas-y. Ben, s'adresser à quelqu'un en particulier, mais aussi à plein de gens entre dans le voyage. C'est souvent quelque chose qu'on fait en voyage. Ouais. Oui. Marie-André, tu disais justement, il y a le papier dans le communiqué d'Engram, on dit justement qu'on essaie de mettre l'avant les liens entre l'estampe et leur postal. J'imagine que le papier, à la base, c'est quand même quelque chose de majeur. Je zozote. C'est quand même quelque chose de majeur. Qu'est-ce que vous voyez, vous, mesdames, comme lien autre? Pour moi, c'est sûr que l'estampe, c'est relié au papier. Quand on fait de la sérigraphie ou de la gravure, on devient un peu un spécialiste du papier, on n'a pas le choix. Il y a plein de sortes de papiers, puis on les découvre, puis il y a tel résultat avec tel type de papier. Donc, l'art postal, dans ce cas-ci, moi, j'ai fait de la sérigraphie. Ouais. Je me suis fait plaisir, j'ai fait une sorte de carte pop-up sur le thème du jardin. Donc, j'ai choisi mon papier par rapport à ça. J'ai fait un pop-up, donc c'est un pliage que Ilana devait faire elle-même avec des instructions. Ah, c'est ça, parce que là, vous correspondiez entre vous. Là, il y a une enveloppe qui a été envoyée à Engram. Comme témoin, mais, en fait. Comme vous, vous avez correspondu ensemble, puis les deux autres deux autres artistes ont... Un fait quand même cocasse, c'est qu'on habite très, très, très proche de l'autre. Voisine. Oui. Et aller à la poste, c'est plus loin que d'aller livrer chez elle, mais le principe de l'exposition, en tout cas, c'était d'aller poster les choses. Donc, on s'est fait les deux regarder aussi un peu étrangement par le postier. Ah ouais. À cause de l'adresse inscrite c'est ça. Sur le papier. Mais oui, moi, j'ai reçu une belle chose à où je devais intervenir, en fait, dedans, pour pouvoir, mettre en scène l'objet qu'elle avait conçu. Puis nous, on a fait... Vous êtes intéressés, c'est ça? Vous avez comme vous avez offert un royaume à Marie. Oui, c'est beau, comme tu dis. C'était vraiment chouette. En fait, le colis était très, très bourré. Il n'y avait plus aucun espace. Puis là-dedans, il y avait du tissu, il y avait des choses... Comme une jupe de fou du roi ou de roi. Là, moi, j'ai pensé que c'était un tablier, mais en fait, c'était une cape. Mais donc, les deux sont bons. Ça foutait quand même. Ah, c'est pas le même qu'il y a eu en Engram. Voilà. Parce qu'en fait, on a fait un colis différent. Du roi et un colis de la reine. Ah. Oh, OK. Donc, Marie-André, j'ai eu le colis de la reine, j'étais très contente. Il y avait même des biscuits à manger avec du thé, des sachets de thé. Donc, c'était très complet. J'avais un drapeau pour aller planter sur mon territoire. Une couronne à faire aussi. D'ailleurs, tu parles de biscuits, de thé sur vos enveloppes. Il est bien écrit qu'un sac à surprise doit contenir 10% de sucrerie, 88% de gogoches, d'objets de peu partout. Puis le 2%, moi, j'ai pas compris le 2%. Le mystère. Je pense que c'est soit du mystère, soit de l'air. Ah, je pensais du mystère ou de l'art. De l'air. Puis est-ce que moi, je pense qu'il y en restait vraiment juste 2% dans le nôtre, en tout cas. Puis est-ce que c'était comme une directive de Stéphanie Matt de l'inscrire comme ça sur les enveloppes pour vraiment le mettre de l'avant? Oui, on devait en fait vraiment à la base respecter. C'est une forme de transformation, mais le sac à surprise qu'on a tous eu en étant petit, en allant au dépanneur, où on a toutes sortes de choses totalement innommables. Ouais, c'était en fait souvent assez douteux parfois. Là. Et on veut juste les jujubes qui sont dedans, mais là, on avait le droit d'en mettre. Je pense que nous, on a triché un petit peu sur le pourcentage parce que les biscuits étaient un petit peu plus conséquents que ce qu'il y avait comparé au reste. Mais c'est en même temps une forme de déformation qui était intéressante. Je pense que ça nous a fait voyager, en tout cas, autant dans l'enfance que dans un royaume qui était... je sais pas, je pense que... On a tous envie d'être le roi du sac à surprise quand on est l'enfant qui le reçoit. Là, on a vu ça comme ça un petit peu. Là. Marie-André, j'ai senti que toi aussi, tu as fait un petit tour dans l'enfance, dans cette idée justement de plier, d'assembler les consignes, tout ça. J'imagine que c'était un peu inévitable là, en pensant au sac à surprise. Personnellement, dès que je me remets au papier, je pense que je retombe un peu dans l'enfance. Là, dès que je me mets à manipuler le papier. Donc là, je faisais un pop-up. C'était mon premier pop-up à vie. J'étais bien énervée. Puis, fallait tout concevoir le modèle du pop-up parce que je faisais pas juste appliquer un modèle, là. Je l'ai conçu moi-même. Donc, c'était beaucoup de recherches puis d'essais et erreurs. Puis là, j'étais bien contente d'avoir trouvé quelque chose. C'est en fait une maison qui s'élève dans un jardin. Donc, l'impression, le dessin, c'est un jardin puis une maison qui prend forme. Donc, C'est sûr que je me suis amusée avec ça puisque c'était un jeu. Dans ma pratique, puis je pense que c'est la même chose pour Ilana, il y a beaucoup de place pour le jeu quand on fait de l'art. C'est ça, c'est ça, un côté ludique très, très fort, puis un appel aussi à, je dis au spectateur, le spectateur, c'est vous réciproquement, mais à agir, puis à jouer aussi. Oui. Là. Oui. Ben, je pense que la participation de l'autre, en tout cas, c'est très, très important parce que ça permet aussi une forme de compréhension, puis l'appréhension est beaucoup plus facile versus l'art quand on peut, mais pas nécessairement le manipuler non, avec les mains, mais quand aisément. Oui, exactement, je pense qu'il y a ce côté-là qui est très intéressant là-dedans, parce que elle, en tout cas, Marie a dû se vêtir, elle a dû s'amuser à former sa couronne, puis ben moi j'ai plié les choses, j'ai pu les manipuler, j'ai derrière le jardin avec la maison, il y a un texte qui raconte ça. Le jardin, en fait, puis c'est très beau là, c'est sérigraphié en très grand, les lettres sont super grandes, j'ai vraiment en tout cas, en ce moment, beaucoup de passion aussi pour le côté d'écriture. Fait que, il y a, je sais pas, en tout cas, moi, j'ai perçu une grande magie dans ce que Marie nous a envoyé. J'ai vraiment aimé ça. Mais merci. Mais c'est une des beautés de l'art postal, c'est le rapport aussi à l'écriture. Ben ouais, puis toi, dans ton travail aussi, c'est assez présent, là. C'est ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, l'art postal, ça me correspond bien. Mais même toi aussi, t'avais inséré des histoires, des règles. Oui. Donc, il y avait de l'écriture dans les deux colis. En terminant, mesdames, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler un peu des propositions de Gillian Tran et de Nathalie Giguère? Non? Bon, c'est pas grave. De toute façon, les œuvres sont disponibles en consultation en gramme jusqu'au 10 janvier. Donc, c'est les œuvres qui sont destinées à la collection. Oui. À la collection en gramme. Peut-être, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient là avec vous? Avez-vous des projets à annoncer? Bonne question, mais moi j'ai été choisie en tant qu'artiste permanente à la Nouvelle Galerie Uno qui est sur la rue Cartier en bas. On a eu le vernissage la semaine passée. L'exposition est jusqu'au 15 d'ailleurs. Oui, exactement, jusqu'au 15 janvier. Donc vous êtes invité à passer voir à l'étage au-dessus du Café Castello. C'est un très bel espace. Vraiment, je suis super contente. Et Marie-André? Ben, de mon côté, moi, j'ai un hiver un peu plus à la maison, dans l'atelier, puis c'est plus à l'automne prochain où je retourne en Islande, en résidence de création. Okay. Donc, un beau voyage. De toute façon, on suivra ce qui s'en vient. Marie-André Gilbert, Ilana Pichon, merci beaucoup. Donc, merci, je répète, si vous voulez aller voir les œuvres de J'aime mon facteur, c'est à Engramme jusqu'au 10 janvier. On fait une pause au retour, on discute de l'exposition Sauvage. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Thé et Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. J'ai froid et je ne trouve plus la boutique Alpaca. Ils sont déménagés au 669 rue Saint-Jean. Ils ont toujours les mêmes belles choses, chaudes et douces. Et plus encore. Et en plus, elle est plus chaude et douce que jamais. Bon, j'irai tout de suite. 669 rue Saint-Jean. C'est bien ça. 669 rue Saint-Jean. Entre Sainte-Geneviève et Sainte-Marie. 418-522-2720. Ou visitez notre site web www.alpaca.com. Pour une troisième année, les contes à passer le temps sont l'occasion de se rassembler tous ensemble autour du sapin pour une veillée comme autrefois. Venez entendre des contes urbains inspirés de vos quartiers, écrits et racontés par Nancy Bernier, Jack Robitaille, Jean-Sébastien Ouellet, Noémie O'Farrell, Maxime Robin, Sophie Grenier-Héroux et Jocelyn Pelletier. Les 20 et 21 décembre à 20h, le 22 décembre à 15h à la Maison Chevalier, au 50 rue du Marché Champlain. Réservation au 418-643-2158. Jusqu'au 20 décembre, courez la chance de gagner un bas de Noël rempli de certificats cadeaux d'une valeur de plus de 300$. Écoutez l'émission Change de disque de 15h30 à 17h30 pour connaître le nom des finalistes qui seront tirés parmi tous les membres de CKRL. Vous n'êtes pas encore membre? Ce n'est pas compliqué. Allez sur ckrl.qc.ca et cliquez sur l'onglet Devenir membre ou rendez-vous au 405 3e avenue à Limoilou. Ce concours est rendu possible grâce à la participation de la Maison thaïlandaise Cuisine Royale pour vos palais, la boutique Poil et Plumes et la conserverie du quartier. Devenir membre de CKRL, ça réjouit le Père Noël. Hey, wow, t'es donc bien belle dans cette robe-là. Hey, c'est fait au Québec, ça? Aïe, aïe, c'est donc bien original, ton bijou. Et que j'aime ça venir ici. J'ai tellement besoin de votre aide. Vous vous demandez ce qu'ils ont à s'exclamer? C'est logique, c'est à cause de points d'exclamation. Depuis près de 10 ans, la boutique du Faubourg Saint-Jean encourage les artistes et les entreprises québécoises en vous offrant des bijoux, des vêtements et des accessoires originaux à prix abordable. tant de bonnes raisons d'acheter local. Venez nous rencontrer au 762 rue Saint-Jean et suivez-nous sur Facebook pour vous tenir au courant des nouveaux arrivages et des promotions. J'ai une recette immanquable pour les grosses fins. Dans un chaudron, vous versez une poignée d'huard, quelques ours polaires. Ajoutez un chèque que vous signez généreusement. Mettez un ou deux zéros de plus, c'est encore meilleur. C'est la grande guignolée des médias. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090 ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxilloblase. Donnez, les besoins sont grands. Offrir une carte de membre de CKRL en cadeau? Pourquoi pas? À seulement 25$, vous ferez le bonheur de l'un ou de l'autre. Une façon rapide de le faire, ckrl.qc.ca et cliquez sur l'onglet « Devenir membre ». Il est 18h, on est de retour à l'aérospatiale. Je précise que c'est la dernière émission de l'an 2013. On prend une pause en même temps que le milieu des arts visuels, finalement. Et pour aller vers la fin de l'année, il y a un projet quand même fort intéressant qui a lieu à l'ancien YMCA sur la rue des Glaciers, là, juste au-dessus de ce qui fut jadis, je crois, le Tribune Café. Je ne sais plus trop quel commerce est là. Et l'instigateur de ce projet-là est Pierre Bouchard. Bonjour. Bonjour. Également, bon, le projet s'appelle Sauvage, j'ai oublié de le dire. Sauvage avec chaque lettre séparée par des points. Le projet regroupe quoi? 21 artistes, je pense, hein? 20 artistes, j'ai bien. Ouais. Ah oui, OK. Bon, j'ai peut-être mal compté, tout simplement. Parmi ceux-ci, on en a 3 en studio. Donc, Louis-David et Tourneau Gagnon, bonjour. Salut. Jean-François Gravel, bonjour. Bonsoir. Dit-il de sa voix vraiment très, très suave, d'homme qui passe à la radio. Et Isabelle Demers, bonsoir. Allô. Donc, peut-être en commençant, je vais retourner le micro vers Pierre, puisque tu es l'instigateur de ce projet-là. Peux-tu nous parler un peu, nous présenter un peu la genèse du projet? Ben, en gros, je me promenais à côté de cet édifice-là, puis les nuages se sont séparés. Il y a eu comme une espèce d'éclair. Puis une grosse voix. Oui, ça ressemblait à Robert Lepage, en fait. Puis, tu vas réunir 20 artistes. ben, c'est quelqu'un de Ex Machina qui m'avait fait visiter l'endroit, puis il a dit si t'as un projet ici, ça serait pense à ça, avec Morgan Bridge, etc. Il avait spécifié aussi. Je voyais qu'il voulait comme aller dans l'art urbain, quelque chose comme ça. Et puis, un peu avant les fêtes, j'avais déjà une production de fête, j'avais envie de faire une exposition, donc j'ai approché Alexandre pour qu'on mette ça en branle. Alexandre Lemay, donc, Alexandre Lemay qui s'occupe de Morgan Bridge. Et profiter de toute son expertise et son réseau, puis on a réussi à faire quelque chose de pas mal intéressant, finalement. Comment vous avez fait le choix? Parce que quand même, 20 artistes, c'est pas rien, là, dans l'entourage de la Morgan Bridge. Comment vous avez procédé comme à la sélection? Il y avait déjà les artistes qui font partie de la Morgan Bridge, là, donc ils sont au moins une dizaine là-dedans. Sept. Et puis après ça, on aurait ça un petit peu plus large, les gens qu'on connaissait, puis on a fait une invitation quand même à large. Donc c'est un peu comme un projet, familial. Une exposition d'un milieu finalement, d'un entourage plus que d'un style. Différents milieux, ça. Il y avait aussi des invitations à des artistes qui étaient plus établis aussi, qui ont répondu favorablement à l'invitation. Puis c'est sûr, on a attendu les invitations, on s'est fait un beau petit setup là. Puis le lieu, parce que pour les gens qui n'ont pas vu le ravissement du désordre ou qui sont pas encore allés voir Sauvage, donc ça reste comme un grand espace qui a été comme mis à nu, donc il reste juste la structure, ça fait un peu à l'abandon, ça fait un peu en déconstruction. Est-ce que c'est quelque chose, là, je pose la question à tout le monde, est-ce que c'est quelque chose que vous avez justement trouvé vraiment inspirant d'exposer à cet endroit-là? Moi, j'aimais bien l'espace, j'aimais bien la hauteur, puis surtout le style de bâtiment désaffecté, là, ça rappelle des bons souvenirs. Puis c'est ça, moi ce qui compte pour moi quand je fais quelque chose, c'est avoir de la place dans le fond le plus possible. Fait que c'était cool pour ça. Ben, je pense que de la place, il y en a. Il y en a. Effectivement, parce que bon, il y a 20 artistes, mais il y aurait eu probablement encore de l'espace là, si on avait, ben, si on avait resserré le tout. Je suis curieuse justement parce que un espace comme celui-là, c'est pas un espace qui est nécessairement évident à investir. De base, il y avait aucun éclairage, il y a rien, il y a même pas de chauffage. Mais en plus, comment vous avez travaillé la mise en espace, justement? Est-ce que vous êtes tous réunis, puis là, vous avez dit, ben moi, j'ai un intérêt pour cet endroit-là? Non, c'était du gros Morgan Bridge style, là, aucune organisation. On se pointait, on installe les trucs, le coin n'est pas habité par personne, puis t'amènes tes lampes, là. C'était pas mal c'est ça, la prémisse de ça, là, du gros DIY. Là, dans le fond, il y avait quelque chose de sauvage aussi dans l'installation. Mais au bout, ben... au final de tout ça, c'est Alexandre qui a tout mis en œuvre, puis qui a choisi finalement ce qui marchait à certains endroits. Qui a quand même eu le dernier mot sur tout ça, la direction artistique. C'est un encadrement un peu autour de la sauvagerie. Tout le monde s'arrache les espaces. D'ailleurs, sauvage, Pierre Bouchard t'en parle, vous en avez parlé, il y a un côté sauvage, mais qu'est-ce qui vous a donné ce titre-là, parce que c'est pas un thème, là, c'est pas... Non, ben, il y a lieu, il y a aussi que, ben, le graffiti, l'art de rue, après ça, il y avait un thème, c'était plus... quand on est artiste, mais je sais pas, je parle pour moi, là, il y a toujours une espèce de fin pour créer, là, tu sais, t'attends pas après une expo, tu sais, tu crées, tu fais des... Il y a ça, là, dans le... Puis c'est comme ça qu'on a choisi aussi les artistes, donc des artistes qu'on entend parler, qu'on sait qu'ils créent un peu tout le temps, puis c'est ça. Des gens qui sont vraiment prolifiques, là, toujours à pied dedans, finalement. Ouais. Peut-être qu'on pourrait parler un peu de vos propositions individuellement. Louis-David, les tourneaux gagnants, tu présentes des peintures. En fait, l'exposition, c'est presque exclusivement de la peinture. Je pense qu'il y a tes sculptures, Isabelle, puis il y en a une autre, là, un tipi, j'oublie le nom Olivier Dessert. Donc toi, Louis-David, tu as choisi de présenter des œuvres plus abstraites et des paysages. Moi, j'ai présenté, dans le fond, trois gros tableaux que j'avais fait à l'automne avec une genre d'installation de skateboard, snowboard, surf, DIY que j'ai demandé à une couple de personnes de produire. Puis après ça, j'ai installé dans le fond symétriquement sur le mur. Là. OK. Puis ben c'est ça, moi c'est quelque chose qui fait partie de ma pratique quand même, là, faire des boards, puis tu sais le skateboard, le snowboard, c'est beaucoup en lien avec ce que je fais, tu sais. Fait que c'est ça là, c'était cool de faire participer du monde qui sont habitués de faire de l'art mais pas nécessairement de ce type d'art-là. Puis faire des boards pour ça. Fait que t'as fait comme une sorte de petit commissariat là, à petite échelle dans l'exposition. Ouais. Puis, ouais. Pierre, t'avais l'air c'est de... C'est ça, ben, c'est ça que je me demandais. Donc, c'est un expo dans l'expo, c'est finalement. Au début, c'est ça. Moi, j'aurais aimé ça, faire participer du monde qui sont à l'extérieur de l'art actuel. Puis là, ça, je n'ai parlé avec Alex, puis c'était plus compliqué, tu sais, pour mettre les noms, puis toutes ces choses-là. Fait qu'on a gardé le monde qui faisait partie déjà de l'expo, puis qui produisait déjà, qui avait déjà une pratique artistique, dans le fond. Mais c'est ça, j'aimerais ça le faire à un moment donné avec du monde qui sont pas nécessairement là-dedans. Là, tu voulais dire que, en dehors de l'art, en fait, ton boulanger, ton facteur, c'est ça? C'est des gens qui font pas d'art. Du monde qui aurait du potentiel, mettons, tu sais, à faire ça, tu sais, qui sont pas nécessairement dans le milieu de l'art actuel, ça pourrait faire des beaux artefacts. Là. OK. Tu sais, puis les mettre ensemble, ça fait une genre d'accumulation, ça fait une installation quand même intéressante. Fait que c'est un projet à suivre, finalement, dans l'avenir de ton travail. Jean-François Gravel, de ton côté, tu présentes des photographies de motels, de matelas, de repas. Il y a un côté pop trash là, à ce que tu présentes. Moi, je trouve que ça fit pas mal avec l'espace aussi. Ben, dans l'endroit aussi, bon, ben, moi, je pense que je suis le seul qui présente de la photo dans l'endroit. Et c'est ça vient dans le fond d'un voyage que j'ai fait cet été parce que dans ma pratique personnelle, c'est beaucoup de par les années, je photographie je sais pas moi, des hot dogs, des lutteurs, matelas. Des matelas, ça fait des années que je ramasse les matelas pourris. qui traîne sur le bord de la rue avec mes gants dans le sac et tout et tout. Donc, fait que c'est ça. Puis quand la proposition est arrivée, ben moi, c'est un projet à long terme et je me suis dit, bon, ben, essayons-le. Fait que dans le fond, c'est un peu un premier extrait, le chapitre 1 de ce qui pourrait être une longue saga. Mais c'est ça. Puis le but au début, c'était seulement de présenter des motels, mais à un moment donné, les intérieurs, ça se répète beaucoup. Ouais. Fait que c'est un peu toute la côté qui est au travers de ça, là. Les hot dogs stimés, les brûlures de cigarettes dans le plancher qui ont probablement qui sont plus vieilles que moi, puis ce genre de choses-là. Là. Fait que c'est un peu un amalgame de tout ça. Là. Et qu'est-ce qui t'attire, justement, dans ces sujets-là, un peu... Je ne sais pas. Sincèrement, là, je suis pas quelqu'un qui a une démarche très, très exhaustive et tout et tout. La plupart du temps, je fais des photos parce que je trouve ça drôle, ça me fait rire à la limite. Mais c'est qu'au fil des années, à force d'en faire tous des petits projets un peu sur le side, je me suis rendu compte que là, bon, les motels plus matelas pourris, ben ça collait ensemble. Fait que j'ai l'impression que c'est dans plusieurs années qu'on va pouvoir dire c'était quoi qui m'intéressait ou c'était quoi ma démarche derrière tout ça. Honnêtement, je le fais un peu à la ça va comme je te pousse là. Je trouve un truc intéressant, je le fais. Fait que c'est quelque chose de vraiment très intuitif là. Ouais, finalement. Ben tu sais, tu parlais de pop trash. Fait que j'imagine c'est ça, c'est pop, c'est du moment. Je le fais quand je sais pas, c'est à mon goût du jour là. Fait que de ce temps-ci, je suis dans les motels. Dans 3 mois, je serai dans d'autres, je sais pas. Dans un sujet du même même acabit, probablement. Je retournerai à la lutte, là, mais que ça recommence au... voilà, au centre du Rocher. Pas au centre du Rocher, centre Horizon. Ouais, ben oui, c'est à côté si de chez moi, en plus. Je sais pas si vous avez déjà vu ces burgers coupés en deux ou c'est pas go, là. C'est vraiment intéressant, ouais. Là. Puis ça aussi, c'était complètement le contraire. Là, au lieu de travailler en studio, éclairage contrôlé, numérique, gros truc, ben là, c'était plus lentifixe, film, à l'extérieur, subir les éléments. Voilà. Si je peux dire. Dans la spontanéité. Ouais. Isabelle Demers, tu présentes 3 sculptures. On en avait vu une à Regard il y a quoi, 2 ans c'était à peu en près? 2010 à Regard, ouais. Déjà 3, mon Dieu, bientôt 4 ans. Ça passe vite. Oulala, justement, c'était peut-être le temps que je la réutilise, là, puis qu'elle était en train de mourir à mon atelier, si on peut dire. Ouais. Puis 2 autres œuvres aussi, là, qu'on n'avait pas vu encore à Québec. Peux-tu nous en parler un peu? Dans le fond, c'est ça, la sculpture qui représente un ours. Qui, dans le fond, moi, je la vois un peu comme un ensemble. L'ours avec le chat, c'est un peu cette idée-là de prédateur que, tu sais, l'ours, j'ai fait comme des oreilles de chien rabattues, puis il devient un peu la proie devant le chat, qui est comme les griffes, mais il reste plus beaucoup de griffes, là, mais qui a les griffes acérées, puis qui devient un peu l'agresseur de l'ours. Inverse comme les rôles de pouvoir, finalement. Ouais, c'est ça, inverser les rôles de la prédation. Puis ces œuvres-là, ils ont été exposées à Chicoutimi, puis à Rouyn-Noranda, puis j'avais comme jamais eu l'occasion. On dirait que c'est comme plus difficile... d'exposer ce genre de truc-là, ben je trouve que pour moi ça a été plus difficile de l'exposer à Québec. Puis tu sais, ce projet-là, je trouve qu'il inspirait vraiment d'aller sortir de quoi, de gros, de plus imposant. J'avais comme pas envie de mettre des dessins encadrés au mur. J'avais comme envie que ça fitte avec l'ambiance des autres artistes, avec tu sais, de faire de quoi qui était plus cohérent avec tous les autres, puis avec l'esprit du lieu qui était un peu crade là, un peu déstructuré, puis tu sais, de faire de quoi avec ça. Justement, tu parles de l'esprit du lieu, du fait que tu as choisi ces œuvres-là. Je pose la question à tout le monde, est-ce que ça a guidé justement le choix de vos œuvres, l'espace d'exposition? Ben moi, pour ma part, je dirais non, étant donné que ça s'est fait beaucoup quand même assez rapidement là. Fait que je sais pas pour les autres là, mais ben au début oui, parce que moi j'ai parlé avec un de mes amis qui me dit Pierre Bouchard, lui il a une grande salle, fait qu'on pourrait peut-être skater l'hiver. Fait que là je dis ah, ça serait quand même cool. Fait que là je dis on pourrait faire des œuvres skatables, tu sais, qu'on pourrait skater dessus. Puis là on savait pas trop avec les assurances, puis on savait pas si on avait le droit. Fait que au début notre motivation, c'était un peu ça, là, de faire skater sur les sculptures à Isa, puis faire des wall rides sur des tableaux, des choses comme ça. On l'a encore en tête, ouais, d'ailleurs, parce qu'on aimerait ça que, tu sais, cette idée-là est justement partie avec le lieu, que, tu sais, que le léopard, justement, ça serait comme... Cas, si je faisais du skate, j'aurais comme le goût d'essayer ça. Ouais. De dominer le léopard. Ça fait une belle documentation, je pense, qui est un peu en dehors d'une documentation traditionnelle en art actuel, tu sais, de faire du sport puis de faire des œuvres. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Ça casse un peu le tabou du... Tu sais, t'es en musée, on touche pas, tu te tiens loin. Ouais. Mais moi, je pense que c'est de quoi qu'il peut se faire, parce que je pense qu'il disait qu'il livrait, il recommençait les rénovations en 2015. Ou, je sais pas, il y a un gars d'Ex Machina qui comptait ça. Ouais, je sais pas, mais peut-être qu'en disant à la radio, ça va être plus. Ben ouais, sinon, si jamais vous réussissez à le faire, vous viendrez nous voir pour en parler, là. Ça sera... Parce que là, c'est beaucoup des choses qui sont accrochées au mur, mais justement, l'endroit, il permet, je veux dire, il y a des trous dans les murs, il manque de la brique, c'est un peu trash comme endroit, là, fait que, tu sais, de faire de quoi qui est justement accidentel. C'est l'endroit idéal. L'endroit idéal pour ça. Pierre Bouchard, on n'a pas parlé de ta nouvelle production. Là, c'est des œuvres New Joe Cool, donc que tu as réapproprié des objets du quotidien pour apposer ton sceau, finalement, d'une certaine manière. Ouais, le tag qui est en fait mon logo. Puis moi, j'ai un c'est ça, c'est ben, la démarche. Je fais beaucoup de... Mon art va servir parce... pour le brand, tu sais, je vais faire des vêtements, je vais faire des lignes de vêtements dans le futur, et puis je veux que ça nourrisse le brand, puis que le brand nourrisse les offres, et que je rentre dans une démarche très, très commerciale, là, avec ça. Puis, là, j'ai pris des objets, que j'ai trouvés dans la rue, un peu partout, là, des horloges, globe terrestre, mannequins, etc. Mon vieil ordinateur, puis j'ai rempli ça, j'ai tagué ça, j'ai trempé aussi dans la peinture, là, c'est ça, c'est comme j'ai fait ça dans peut-être dans deux semaines, là, puis que j'ai fait donc il y a le côté sauvage aussi qui est très fort dans cette production là. Moi quand je commence à créer, c'est tout le temps très intense, là, et puis après ça je retourne dans ma caverne. Tu prends une pause, puis éventuellement ça revient. Moi j'ai envie de vous poser la question, parce que là il y a 20 artistes qui exposent. Est-ce que il y a des productions qui vous ont particulièrement touché dans l'exposition? Pouvez-vous nous présenter peut-être quelque chose que vous avez apprécié? Oui, c'est ça. Mettons quoi, un top 3 dans le fond? Ben non, mais tu sais, mettons, je sais pas, moi, t'as apprécié particulièrement le travail d'un artiste, puis t'as envie de le présenter. Moi, j'ai aimé les nouveaux tableaux à François Simard. La main de zombie, oui, c'est clair. Mais c'est toi l'abstraite aussi. Moi, je suis vraiment... Je suis fan fini là, de Frank. Qu'est-ce qui te touche, en fait, dans son travail? Ben, la liberté de l'abstraction. Complètement, ouais. Et toi, Jean-François Gravel? Moi, j'ai beaucoup aimé quelqu'un que je connaissais pas, Philippe, ou faut te dire Oyster, ou Philippe, c'est l'évident. Philippe, ouais. Parce que je sais pas si t'as des gros, gros, gros formats, puis on les voit de l'extérieur. Moi, c'est la première chose que j'ai vue en allant patiner, en fait, au carré d'Youville. Donc, c'est ça. Le gars que je connaissais pas, on est allé chez eux samedi après, puis super sympathique. Parce que c'est des grands tableaux, là. C'est très, très grand. Avec un contraste, en fait, entre des formes plus nettes, plus en coulisses, Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un peu comme la muraille de Chine, là. Tu sais, on la voit de l'espace, ça. T'es sur Saint-Jean, et elle c'est face à la rue, et c'est assez gros pour être perceptible, là, à l'œil nu, là. Pas besoin de télescope, à rien, là. C'est quand même, en tout cas, moi, j'aimais ça. Ça attire vraiment le regard. Tu peux aller prendre un drink là, au Violon du Roi, puis tu l'as d'en face, là, à la même hauteur au deuxième. J'ai ma passe de saison, et voilà. Et de ton côté, Pierre Bouchard? Moi, j'aime beaucoup les montagnes de Louis. Lui, il fait des belles montagnes. C'est super beau. Je suis un gros fan de ces montagnes. Un jour, je vais en acheter une. Ça, c'est ça. Pour la skate. Les animaux à Isabelle. J'aime beaucoup les animaux aussi à Isabelle. Et puis, Sarah Booth... Qui fait comme de la gravure dans des contreplaqués. Ouais. Ouais, ça c'était sa femme singe, entre autres, qui est très. Je pense qu'elle l'a faite pour l'occasion. Donc, une sauvage. Là, c'est des grandes gravures. Donc, on a le papier, mais on a aussi donc, les matrices là, qui sont exposées. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de son truc, justement. Ouais. C'est de voir la matrice, comme tu dis, la plaque originale, là, qui est une œuvre en soi. Là, c'est complètement différent de la version imprimée. Là. Mais elle pensait au début de ne pas les exposer, puis elle en a vendu une. Ah, c'est ça, hein, parce que les gens peuvent acheter aussi les œuvres, les prix, les prix sont exposés. Si on achète une de ces plaques, on peut les printer à l'infini, puis se refaire un racket sur le site, si je comprends bien. Donnons pas des mauvaises idées aux auditeurs. Hein. Je pense que vous êtes tous très conscients de la réalité de l'artiste actuel. Et toi, Isabelle Demers, qu'est-ce qui te touche, qui t'intéresse dans l'expo? Oui, il y a vraiment beaucoup de productions que j'ai trouvées super intéressantes. Je vais être têteuse, mais Lou David, c'est là que je te le dis, mais j'aime beaucoup ton travail. sinon, François, Dan aussi, c'est excellent. Pis Dan Bro. Dan Bro, puis Carlens, là, l'été, il n'y a pas tant de monde que... Il est pas super actif, disons, dans le milieu, mais crime, sa production est vraiment, vraiment géniale. Ouais, il crée plus qu'expose, je pense. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que ça fait un petit bout que je le connais, j'avais vu ses anciens tableaux, puis je trouve que vraiment, là, présentement, c'est super. Il est dans une avenue autre. Ouais. Qui gagne à être connu, puis que... Il y a Olivier Dessert aussi, qu'on n'a pas mentionné, mais qui était un super super talent, super jeune, super mature, là. Il est impressionnant, là, moi. Il y a le Tipeee. Le Tipeee d'Olivier Dessert est super beau, puis il représente vraiment bien l'exposition. Ah ouais, pourquoi, hein? Qu'est-ce qui... Ben, parce que là, on, tu sais, bon, sauvage, mais le côté... ah ouais, sauvage avec le Tipeee, ouais. Puis on l'a repris sur l'affiche, et puis ben il y avait tout ça, là. Tu peux squatter. Toute son intervention aussi, hein, qui est très, très impulsive, ouais. Là, sur une toile brute, finalement, placée en Tipeee. Ouais, puis il travaille la structure aussi de la toile, là. Puis justement, le Tipeee, il vient vraiment bien structurer cet espace-là, là, parce que il me semble qu'il amène vraiment quelque chose, là, que... Ça fait du bien, je trouve, les sculptures dans une expo de ce... En tout cas, j'ai de la misère à m'exprimer présentement, là. Mais non, ça non. Vient justement tout rendre le tout ça cohérent. Ponctue, ça rythme. C'est vraiment un plus-value dans cette salle-là particulièrement. Ça nous accroche beaucoup quand on rentre. Là. Fait qu'un gros prop, c'est Olivier. Voilà. C'est déjà le temps de clore cette entrevue. Pierre Bouchard, Louis-David Letourneau-Gagnon, Jean-François Gravel et Isabelle Demers, merci beaucoup. Merci à toi. L'exposition, elle se termine quand? Elle se termine le 22 décembre. Le dimanche 22 décembre. Dimanche 22 décembre. Oui, on verra. Peut-être qu'il va y avoir d'autres nouvelles. Bon, mais si jamais il y a d'autres nouvelles, vous nous écrivez sur le site de l'aérospatiale. On met ça sur le blog l'aérospatiale.wordpress.com et sur Facebook également. Donc voilà, c'est une expo à ne pas manquer. 795 des glaciers. C'est une petite porte, là, juste à côté du Jack Angel. Faites-vous-en pas, là, ça fait un peu bizarre, là. Voilà, mais c'est une exposition fort intéressante. On fait une pause audio, on écoute un extrait de la pièce Ask a Lion sur les ondes de CKRL. Alors que l'aérospatiale tire à sa fin pour cette dernière édition de l'année, je vous invite à quelques événements qui ont lieu quand même dans le temps des fêtes, ou à tout le moins jusqu'au temps des fêtes, parce que, bon, il y a toutes sortes de choses en famille notamment, mais du côté des expositions, il y a l'exposition collective L'établi a des boules qui est présentée jusqu'au 22 décembre. Donc, il y a 19 photographes qui ont accepté de se prêter au jeu et de livrer leur impression dès l'hiver. 19 œuvres grand format qui viennent recouvrir les murs et qui seront déclinées en cartes de souhait. Donc, si vous voulez vous en procurer, ce sera fort probablement l'occasion. Également, dans les expositions qui ont lieu dans le temps des fêtes, ben, c'est sûr, les incontournables au Musée national des Beaux-Arts, notamment la collection William S. Paley, Un goût pour l'art moderne, qui se termine le 16 février, et aussi l'excellente exposition Les matins infidèles, l'art du protocole. Puis, au Musée de la civilisation, l'exposition Pierre Gauvreau, j'espérais vous voir ici. Je refais un petit détour du côté du Musée national des Beaux-Arts, parce que en lien avec les matins infidèles, protocole Instagram, il y avait le je recommence. En lien avec les Matins Infidèles, il y avait le concours Protocole Instagrammé où pendant 10 jours, les gens devaient prendre une photo à 7h42 le matin et envoyer ça au musée. Donc, ça, c'était du 12 au 21 novembre. Il y a une centaine de participants qui ont pris part au défi et les œuvres des 5 gagnants sont exposées au musée jusqu'au 12 janvier. Donc, si jamais vous voulez voir ce que ça peut donner, ben pourquoi pas. Également, vous pouvez aller faire un tour à la bibliothèque Monique Corriveau. On voulait en parler à l'émission, ça n'a pas donné. Mais il y a l'artiste Claudie Gagnon qui a créé pour cette nouvelle bibliothèque qui est située sur la route de l'église l'œuvre La forêt des connaissances, donc une œuvre de 14,48 mètres de haut et de 2,2 mètres de large. C'est, ma foi, fort imposant. C'est formé de panneaux, de contreplaqués, de miroirs en acrylique. L'œuvre qui s'insère entre des poutres en bois d'origine qui sont situées au centre du mur pignon de la bibliothèque avec des formes enlacées comme des branches d'arbres et tout ça. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Parmi les événements, il y a le lieu qui fait un Noël do-it-yourself, fabriqué Noël le 19 décembre, donc jeudi, de 13h jusqu'à tard dans la nuit, avec des artistes comme le collectif M&M, Frédéric Laliberté, le collectif Oscar India Romeo, Ulysse Ruel. Et là, le vrai Père Noël va être sur place avec l'équipe du lieu. Donc, quelque chose probablement de très, très éclaté qui aura lieu au lieu. Donc, je répète, jeudi à partir de 13h. Sinon, si vous voulez faire des activités plus de type familial, vous pouvez toujours aller au Musée de la Civilisation les 27 et 28 décembre de 10h à 17h. Il y a des rencontres cartographie de gestes pour nourrir de l'artiste Catherine Bélanger. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'exposition virtuelle Manger ensemble. Aussi, bien entendu, le Musée national des beaux-arts est toujours très actif là, dans le temps des fêtes. Il y a d'ailleurs toute une section de Noël au musée sur le site Internet. Moi, j'ai choisi quelques petites choses, dont Portrait tout craché, une activité sur le thème du portrait. Vous pouvez vous amuser à déformer vos visages, à prendre des photos, à caricaturer vos proches. Donc, vous pouvez faire des œuvres, des jeux, des manipulations, un coin détente, tout ça pour passer du temps en famille. C'est les 26, 27, 28, 29, 31 décembre, 1, 2, 3 janvier à 11h, à 13h, à 14h15 et à 15h30. Donc, plus d'informations sur le site du musée. Et en terminant, vous pouvez aussi participer à un atelier de modelage bestiaire réel ou imaginaire en lien, bien entendu, avec le travail de Pellan. Donc, les 26, 27, 28, 29 et 31 décembre, 1er, 2, 3 janvier, encore aux mêmes heures. Donc, 11h, 13h, 14h15 et 15h30. Bref, toutes sortes de choses à faire quand même dans le temps des fêtes. Puis nous, ben, on va se revoir en janvier, probablement là, dans la deuxième moitié. Je ne sais pas si c'est le 17 ou quelque chose comme ça. De toute façon, on vous donnera des nouvelles sur le site l'aérospatiale.wordpress.com ou sur Facebook. D'ailleurs, vous pouvez aimer la page de l'aérospatiale. Sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, une bonne soirée avec Gilles Chaumel et Folk d'Amérique. Et bien entendu, je remercie mes invités collaborateurs et Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde.